55e leçon. Mais il a surtout bu. L'autre soir, Monsieur Zitoun a assisté à un cocktail au bureau. Il a mangé quelques petits sandwichs et des canapés, mais il a surtout bu. Il a bu 4 grands whisky et ensuite il a vidé une bouteille de champagne. À 10h, il a décidé de rentrer chez lui. Il a laissé sa voiture et il a pris un taxi. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas ses clés. Alors, il a voulu entrer par la fenêtre, mais étant un peu ivre, il n'a pas pu. Il a cassé un carreau. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la fenêtre en haut et a crié « Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu ?» C'était la maison de son voisin. Exercice. Pouvez-vous assister à la réunion ce soir ? Ils ont bu 3 bouteilles de champagne. Il n'avait pas ses clés et il n'a pas pu entrer. Étant un peu ivre, il a cassé un carreau. Nous avons laissé notre voiture et nous allons prendre un taxi.